Bonsoir et bienvenue à cette conférence, les mystères de l'Antéchrist. J'aimerais, Daniel, que tu commences par expliquer la différence qu'il y a entre Antéchrist et Antichrist. Bon, la différence entre Antéchrist et Antichrist. Il y a beaucoup de différences. Et je ne veux pas dire qu'il y a une grande différence, je veux dire qu'il y a beaucoup de différences. Alors, énumère-les. La première, premièrement, « anté » et « anti » du grec ou du latin veulent dire « avant ». Alors, on a le terme « antérieur ». On a « antédiluvien », avant le déluge. On a le terme « antichrist », « anti » comme « antichambre », la pièce avant la chambre. « Anti » veut dire « avant »,« anté » veut dire « avant ». « Antéchrist » ou « antichrist » veut dire « avant le Christ », « précédant le Christ », donc « celui qui vient avant le Christ ». Et on pourrait aussi donner énormément d'explications sur ce qu'on entend par le Christ, parce que le Christ vient des gens pensent que c'est un être humain ou une apparence d'être humain. Le corps physique de l'ancien Nazaréen qui reviendrait à un moment donné pour couvrir le monde de ses leçons, de ses instructions, de sa paix. La dernière fois qu'un Nazaréen est descendu sur le plan planétaire pour parler de paix, il a été crucifié. À l'époque, on n'avait pas énormément de moyens d'éliminer un homme. Si un Nazaréen reviendrait aujourd'hui pour parler de paix, on l'abattrait simplement. Le Christ, ce n'est pas nécessairement la descente d'un être humain, c'est plutôt la descente de l'énergie christique à l'intérieur de certains humains. Alors, il y aura plus qu'un être humain qui sera en contact avec un phénomène christique, comme à l'époque, il y en a eu plus qu'un, dont un majeur, chez Joshua ben Joseph, le Nazaréen. Antichrist et antéchrist, il y a donc d'autres différences. La première va être une différence théologique, c'est-à-dire qu'on va parler de l'antéchrist comme étant celui qui vient avant le Christ, et certains vont parler de l'antichrist comme étant celui qui vient contre le Christ. Et on a une autre nuance théologique qui fait que l'anté ou l'anti veut nécessairement dire avant et contre le Christ. Alors, on aura théologiquement l'idée que l'antéchrist et l'antichrist sont soit Lucifer, soit le fils de Lucifer. On aura aussi l'idée que l'antichrist sera le fils de Lucifer et l'antéchrist sera soit Lazare, soit le comte de Saint-Germain, soit un entité christique, un ange michaélien qui va venir pour lutter contre l'antichrist, le fils de Lucifer. Et on a aussi une autre structure qui peut nous permettre d'élaborer sur l'antichrist où le Christ lui-même revient comme anti et antichrist dans le sens contre et dans le sens avant. Et si on veut regarder cosmiquement ou d'une façon plus réelle quelles seront les choses, eh bien, il y aura des choses, des phénomènes qui seront contre la mécanicité christique. La majorité de ces phénomènes seront humains. Et il y aura des mécanicités énergétiques qui seront pour l'énergie christique. C'est la majorité de ces phénomènes seront humains. Et cosmiquement, il y aura une essence extrêmement divine, extrêmement christique qui viendra contre l'image du Christ et pour le Christ. À ce point-ci, Daniel, si on se reporte au Nazaréen, justement, qui a atteint l'état christique, si on avait à mettre le doigt sur l'anté ou l'antichrist tel que tu viens de le décrire, je pense bien que ce serait assez facile de mentionner Jean le Baptiste. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu un individu qui était contre l'état christique que le Nazaréen a atteint ou contre le Christ? Premièrement, il y a toujours une économie d'énergie. À l'époque du Nazaréen, il y avait effectivement une énergie qui était absolument contre l'énergie christique, et cela a été le peuple juif. Le peuple juif étant extrêmement manipulé par les énergies, disons, antéchristiques et antichristiques, c'est-à-dire contre le Christ, qu'ils sont parvenus à manipuler suffisamment les Romains pour faire en sorte qu'on puisse éliminer le corps physique du Nazaréen. De cette façon, on lui interdisait aussi, on pensait lui interdire le contrôle total de la structure d'évolution de notre monde. Alors, à l'époque, il y a eu cela. Il y aura aussi, dans les temps qui viennent, et il s'est déjà commencé dans les temps actuels, des prémices de manipulation collective contre l'idéal christique. Mais il faut faire attention. L'idéal christique ou l'énergie christique, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'expliquais la semaine dernière, qu'on appelle le Seigneur, c'est-à-dire un gars qui saigne sur une croix. Le phénomène christique n'a rien à voir avec, donc, un Seigneur. Ça n'a rien à voir non plus avec l'idée que l'on se fait souvent du petit Jésus qui vient au monde à tous les 25 de décembre. Donc, il y a 2000 petits Jésus qui sont venus au monde, 2004 pour être précis, parce que le Nazaréen est né avant Jésus-Christ au niveau de l'année, en l'an 4 avant Jésus-Christ. Et lorsque nous avons cette idée de Jésus, de l'enfant Jésus, nous faisons référence à une mémoire qui est cristallisée dans le monde de la mort, une mémoire donc dans le ciel, qui va devenir extrêmement dangereuse pour la conscientisation christique d'une humanité. Donc, nécessairement, des entités christiques devront venir pour lutter contre les idolâtries, c'est-à-dire les images psychologiques et les images spirituelles qu'ont bâti et qu'ont entretenu l'humanité depuis le passage du Nazaréen. Celui qui a la faculté de prier le Nazaréen, de prier Jésus, de prier le Christ, de prier Jésus-Christ, ou de prier son Dieu, en visualisant son Dieu, est idolâtre. Il adore une forme qui est cristallisée dans une structure neuronique, une forme énergétique, qu'on appelle une forme de pensée, donc une forme pensée, une forme spirituelle, une forme amique, mais il adore une image. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas s'immiscer dans une entité réelle, il ne peut pas englober la totalité de l'émission christique s'il la paramètre dans une forme. D'ailleurs, celui qui va prier une énergie du point de vue christique en nommant un nom comme Jésus, en nommant un nom comme Dieu, en nommant un nom comme Christ, en nommant un nom comme Jésus-Christ, en nommant un nom comme mon père ou mon frère, ne fait que s'adresser au monde de la mort. Donc, il est encore en correspondance avec de l'énergie extrêmement stagnante, une énergie qui est là depuis de 2000 ans, et qui peut de temps en temps vivifier un humain, mais chaque fois qu'un être humain est vivifié par une prière de ce genre, il y a au moins 10 000 êtres humains qui perdent de l'énergie au détriment, donc, de leur propre santé, de leur propre évolution, au profit de celui qui vient de prier et au profit de l'entité. Alors, il y a donc différentes formes d'idolâtrie. C'est comme on a sorti un film dernièrement et on machale un peu souvent avec ce film, La dernière tentation du Christ. Tous ceux qui sont frustrés sont des idolâtres. Tous ceux qui sont contents sont des idolâtres. Tous ceux qui voient ce film comme le film Starman ou comme ce film comme Popeye sont des spectateurs qui vont se divertir. Mais la personne qui est frustrée, c'est qu'elle a une image qu'elle voit véhiculée par le film et cette image n'entre pas en correspondance vibratoire, en résonance, en amour, avec l'image idolâtre qu'elle projette elle-même de ce qu'aurait dû être le Nazaréen. Et je dis bien que ce qu'aurait dû être le Nazaréen. Alors, il y a énormément d'années qui manquent dans la vie du Nazaréen. Pourquoi il y manque tant d'années? Parce qu'on n'a pas voulu compter ces années ou parce qu'on a oublié ces années. Mais si on a oublié ces années et qu'on n'a pas voulu les compter, il y a à un moment donné un Nazaréen qui s'en va dans le désert seul pendant 40 jours. Et il y a au moins 4 apôtres qui comptent ce qui s'est passé. Pour un gars qui était seul, il y a eu pas mal de témoins. Alors, et si on a été capable de ne pas oublier ce qu'on n'a pas vu, ne pensons pas qu'on a oublié ce qu'on a vu. Il y a de l'intentionnalité dans le nombre d'années qui manquent dans les explications, disons, bibliques de la vie du Nazaréen. Alors, il y a l'être humain qui est idolâtre. Et je ne dis pas que c'est grave d'être idolâtre, en ce sens que c'est un péché. Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Parce qu'on pourrait même dire que ça a été nécessaire, Daniel. Ça a été nécessaire, c'est encore nécessaire pour plusieurs personnes. De faire un but dans la vie, c'est de l'idolâtrie. C'est de projeter un archétype visuel ou encore oral, en parole, en pensée, d'une structure temporaire, temporelle, disons, fictive, qu'on projette en avant, mais on essaie de l'obtenir, on essaie de s'y rendre. Alors, tu vois Dieu, puis c'est la même chose. Tu veux t'y rendre dans 2000 ans, dans 5000 ans, au lieu d'être un chemin dans le monde des affaires, c'est un chemin dans le monde de la spiritualité. Mais c'est de l'idolâtrie. Mais ça a servi de pont pour beaucoup d'individus. Et puis, ça a servi de pont. Ces ponts-là, il y en a plusieurs qui se seraient noyés. Il n'y aurait pas pu traverser la rivière. Ça va toi. Maintenant, même si ça a été utile, ça ne change rien. À un moment donné, le Saint-Thomas a été utile. Mais aujourd'hui, tu préfères boire au verre. Bon. Alors, il ne reviendra pas sur le sujet. Bon, voyez, c'est réussi. Alors, il y a des choses qui ont été utiles pendant longtemps, mais qui, finalement, à un moment donné, ne sont plus utiles. Et le phénomène de l'idolâtrie, même si tu me dirais, il y a encore des nations qui ont besoin, oui, il y a encore des enfants qui viennent au monde et qui ont besoin de boire au sein de leur mère. Bon, mais on ne parle pas de cela. On parle de qui? On parle de celui qui a la faculté d'avoir une conscience intelligente, celui qui a la faculté de voir le monde tel que le monde est bâti, celui qui a la faculté de connaître peut-être les enseignements du Nazaréen au niveau du passé, mais celui qui a aussi la faculté de connaître les enseignements du Nazaréen dans l'actualité. Et celui qui a la possibilité de connaître l'enseignement du Nazaréen dans l'actualité n'a pas besoin du Nouveau Testament pour connaître. C'est justement l'état christique que le Nazaréen a atteint. Aujourd'hui, elle existe encore, cet état-là. Elle existe dans deux plans. Dans le monde de la mort, le ciel, donc dans la mémoire, et elle existe aussi dans la vibration réelle, dans l'instantanéité, Mais étant donné que l'être humain est bâti de mémoire, que l'être humain est une créature du temps, il n'a pas la faculté de connaître l'instantané pour l'instant, alors que nécessairement, il se réfère à la mémoire. Donc, il se réfère à un état nazaréen, christique, mémoriel, c'est-à-dire à ce qu'a été le nazaréen il y a de cela 2400 années, donc, un peu moins, à ce qu'a été le nazaréen dans le passé. Lorsqu'il a atteint l'énergie christique. Ça dépend des égos, ça dépend des émotifs. Il y en a qui vont triper sur l'enfant Jésus, il y en a qui vont triper Jésus, ils vont triper sur Marie à la place, il y en a qui vont triper sur Joseph à la place, il y en a qui vont triper sur l'adolescent, il y en a qui vont triper sur quand Jésus commence à prêcher, il y en a qui vont triper sur Jean le Baptiste, il y en a qui vont triper sur le Nazaréen qui est crucifié, la majorité d'ailleurs vont triper sur ce qu'ils ont réussi à faire, donc parce qu'ils le crucifient régulièrement chaque fois qu'ils le regardent. Bon, ça n'est pas des individus. OK, en ce qui nous concerne, nous, on parle de l'antéchrist ce soir. L'état antéchristique, est-ce que ce serait le... Contre ou vous, avant? Avant. Nous sommes tous des antéchrists. Nous sommes tous avant le Christ, voilà. Oui. Maintenant, tantôt, tu as mentionné que, justement, qu'il y en avait eu d'autres, possiblement. Tu as laissé sous-entendre... Contre, des anti. Contre. Contre, oui. Et contre Christ. OK. Puis tu as mentionné aussi que lorsque le Nazaréen a atteint l'état christique, il y en avait eu d'autres qui ont goûté à cet état christique aussi. Est-ce que c'est arrivé en même temps, dans les mêmes années, ou si tu parles d'années subséquentes? Il y en a eu quelques-uns dans les années qui ont suivi la disparition du Nazaréen. Par contre, les plus puissants ont été christifiés, ils ont connu l'état christique pendant la vie du Nazaréen. Et celui qui a connu la majorité de ce contact a été Lazare, un peu le Baptiste. OK. Alors, il semblerait que c'est arrivé en même temps, dans la même période de temps, disons peut-être une période, disons juste pour donner un exemple, disons une dizaine d'années peut-être. Là. Ça, c'est probablement tout arrivé en même temps, là, mais disons c'est dans une période de temps comme ça. Tu as mentionné tantôt qu'il y avait non pas un individu contre l'état christique, mais qu'il y avait un fléau, une énergie qui venait combattre cet état christique. Et puis, tu as mentionné aussi, tu as laissé voir que ça s'en venait ici, pas ici, mais ça s'en venait présentement. Est-ce que cela, dans les années qu'on parle, comme disons, de la majorité des prophéties l'ont mentionné, est-ce que ça a été nécessaire et est-ce que c'est nécessaire pour que l'état christique, justement, soit atteint par des individus, qu'il y ait ce combat ou cet affrontement pour que cela arrive? Bien, nécessaire. Disons, c'est mécaniquement ce qui va arriver. Alors, donc, la question nécessaire ne se pose même pas parce que finalement, nécessaire ou pas, ça va arriver. C'est arrivé dans le passé puis ça va arriver encore. C'est toujours arrivé. OK. Alors, pourquoi ça arrive comme ça? Bon, je dis bien, c'est toujours arrivé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain fait partie des mondes refroidis, c'est-à-dire que l'être humain habite une planète qui, à un moment donné, a été une nébuleuse, qui a été une sphère de gaz, qui s'est refroidie lentement. Et à travers cela, il y a eu des descentes de phénomènes énergétiques dans le but de constituer un corps matériel pour permettre, à un moment donné, de l'intelligence créationnelle, ce qu'on peut appeler Dieu, mais pas le Dieu que l'on prie, le Dieu plutôt qui nous prie de faire ça vite, mais pas le Dieu que l'on prie de venir nous aider, qui va être la copie de ce Dieu-là dans le monde de la mort. Alors, il y a donc un corps physique qui est constitué. Au fur et à mesure que le corps physique est constitué, il rejette. Au fur et à mesure que la conscience dans le corps physique grandit, la conscience va rejeter des particules qui appartiennent intimement à ce monde planétaire, donc la planète Terre sur laquelle nous vivons. Et au fur et à mesure que l'être humain a la faculté de se conscientiser, il va rejeter des particules qui proviennent des structures du passé, des structures mémorielles qui lui ont permis, en tant qu'échafaud, de devenir ce qu'il est. Donc, plus l'être humain évolue, plus il va rejeter de ce qui n'est pas évolution chez lui. C'est-à-dire que plus l'être humain évolue, plus il se purifie, mais l'être humain n'a pas encore la capacité énergétique de transmuer par l'évolution les choses. Il n'a que la capacité de purifier par l'évolution les choses. Qu'est-ce que ça veut dire purifier? Purifier, ça veut dire rejeter le mauvais du bon, séparer deux choses. Plus l'être humain purifie, plus l'être humain devient bon. Par contre, plus à l'extérieur de lui, il y a du mal. C'est-à-dire que plus l'être humain se purifie, plus il rejette à l'extérieur de lui les choses qui ne sont pas de l'évolution, de l'intelligence ou de l'état christique, et plus l'être humain devient convenable. Par contre, étant donné que l'être humain a cette faculté de conscientisation purificatrice, plus il évolue, plus le monde devient laid. Plus l'intérieur de l'âme devient beau, plus l'extérieur devient laid. Et il y a deux mondes dans la conscience de l'âme. Il y a le monde interne, le monde du dedans, et il y a le monde externe, le monde du dehors. Donc, plus l'être humain a évolué, plus les forces sataniques, les forces luciferiennes, les forces arimaniennes, les forces d'involution ont gagné en énergie, en pouvoir, parce que finalement, au fur et à mesure que l'être humain évolue, il nourrit le mal. Étant donné que le mal travaille contre lui, mais que le bien, en gros, travaille contre lui, nécessairement un apport d'énergie sera essentiel à l'homme pour qu'à un moment donné de sa conscientisation, il puisse avoir accès à un robinet qui lui permettra d'aller chercher une énergie qui l'augmentera suffisamment en potentiel de façon à transmuer par l'évolution l'extérieur. Alors, au lieu maintenant de purifier et de rejeter le mal vers l'extérieur, il sera capable de le digérer et d'en faire du bien. Et quand je parle de mal et de bien, je parle de polarité, je ne parle pas nécessairement de, bon, tu pètes en, à la table et c'est le mal. Toi. Bon, on parle de polarité. Ça dépend qu'à ce sens. Ça dépend qu'à ce sens, OK. Ça dépend des points de vue. Quand tu parles de polarité, parles-tu qu'il faut neutraliser à ce moment-là? Ce n'est pas une neutralité réelle. Une neutralité, c'est lorsque tu as autant de négatif que de positif. Présentement, le monde est neutre. Il est neutre, le monde. Pourquoi? Parce que le bien ne gagne pas et le mal ne gagne pas. Il n'y a pas d'Éden, de paradis qui recouvre la surface de la planète et il n'y a pas non plus d'enfer nucléaire qui s'étend. Donc, la neutralité, elle est là. Non, l'évolution, ce n'est pas une neutralité. L'évolution, c'est simplement une digestion qui élimine les polarités. Ça ne sera pas neutre, ça ne sera pas polarisé. Ça ne sera vraiment pas neutre. Et ça, c'est l'évolution qui prédomine dans la conscience de l'homme. Maintenant, pour que cela puisse se faire, il y a des mécaniques. Présentement, il y a une mécanique qu'on appelle le mal. C'est-à-dire qu'on appelle plus précisément les forces d'involution. Des forces qui ont tendance à refroidir la conscience de l'homme, donc à le rendre plus matériel, plus matière. Alors, matériel dans la tête, c'est quand la conscience psychologique se rapproche de la matière, ça devient du matérialisme. Et lentement, ça devient matériel simplement. Il y a donc cette conscience, les forces d'involution, les forces du mal, qu'on appelle les forces du mal. Et il y a les forces d'évolution, celles qui réchauffent l'homme. Cet apport d'évolution provient de l'extraterrestrialité de notre monde. Donc, ce sont des phénomènes extraterrestres, mais qui n'ont rien à voir avec E.T. et avec les petits bonhommes verts que de temps en temps, certains disent rencontrer. Ils les rencontrent peut-être, mais ça n'a rien à voir. Lorsque le Nazaréen a atteint l'état christique, on a décrit dans son côté positif ou bon, et puis on a aussi décrit qui a fait la descente aux enfers d'Aniel. Alors, il a connu les deux extrêmes de la polarité, selon ce que c'est qu'on a décrit. Oui, mais pas avec la descente aux enfers, avec les 40 jours de tentation. Mais lorsqu'il a fait la descente aux enfers, qu'est-ce que c'est qu'il a été faire? Il transmuait. Alors, dans les 40 jours de tentation, le Jésus en question a été en conflit entre une énergie christique qui tentait de le posséder. Et d'ailleurs, ceux qui vont se conscientiser à un moment donné vont se rendre compte qu'effectivement, il y a comme une possession intelligente qui nous habite, parce qu'on ne veut pas, ça nous enrage, ça nous fait voir les choses telles qu'elles sont, même si l'ego lutte contre. C'est une possession par l'intelligence, une possession divine, une possession quand même. Et il y avait la partie égoïque et, disons, archétypale, réincarnative, qui habitait le corps de Jésus, qui a dû être éjecté. Alors, on dit 40 jours parce que ça plaît, puis 40, c'est un chiffre qui est extrêmement hébraïque. Alors, une certaine quantité de jours et de nuits se sont écoulés pour que le phénomène, disons, divin, le christique à l'intérieur de Jésus, puisse arriver à rejeter à l'extérieur, par purification, la mécanicité anti-homme qui habitait donc Jésus à l'époque, et cela a donné une puissance majeure aux forces sataniques à l'échelle de notre planète. Alors, lorsqu'ils ont dit que le Nazaréen est venu sauver le monde, j'ai toujours dit que c'était vrai. Il avait ouvert les portes du ciel, mais pas les portes pour qu'on rentre dans le ciel, les portes pour qu'on sorte du ciel. Le ciel étant le monde de la mort, l'être humain a toujours été confronté à aller dans le monde de la mort. Depuis le passage du Nazaréen, il y a une trace, une trame mémorielle qui peut maintenant habiter l'esprit de l'homme et qui peut rappeler à l'homme qu'il a maintenant, depuis le passage du Nazaréen, la possibilité d'échapper à la mort. Donc, s'il perd le corps physique, dans l'Apocalypse, on parle aussi d'une deuxième mort. J'en parle souvent. S'il perd le corps physique, la première mort, il peut avoir la faculté d'échapper au monde de la mort, donc il ne mourra pas dans son identité, il ne mourra pas dans sa personnalité, donc il se rappellera ce qu'il est, ce qu'il sera, et ce qu'il a été lorsqu'il se réincarnera. Alors, il y a donc éjection totale des forces anti-hommes à l'intérieur du corps de Jésus. Cela va engendrer un Satan extrêmement puissant. Donc, le Nazaréen a sauvé sa partie d'humanité, et il a légué à l'échelle de la planète les parties les plus involuées de sa personne. Je ne parle pas du Christ, je parle de Jésus, mais n'empêche que pour donner Jésus-Christ, il fallait que les parties anti-hommes de Jésus s'éloignent. C'est ce qui est arrivé au niveau du désert. Et depuis ce temps-là, l'humanité est confrontée à une force satanique beaucoup plus énergétique. Maintenant, pour compenser cela, étant donné que le Nazaréen devait quitter le monde de l'homme, le Nazaréen est connu dans le monde de l'homme sous le terme initiatique nazaréen, qui est le terme avec lequel il se faisait connaître aux initiés de l'époque. Il est connu sous le terme Jésus pour ceux qui privilégient l'enfant, parce que l'enfant a une forme arrondie du point de vue biologique et c'est plus émotivisant. Il est connu sous le terme de Christ par ceux qui ont touché un peu à la conscience sans connaître l'initié. Il est connu sous la forme de Jésus-Christ par la théologie. Mais au-delà du monde de la planète, il est connu sous un autre nom qu'on appelle Michael. Et il y a eu, n'est-ce pas, il y a eu différentes effusions michaéliennes à l'échelle de la planète. Et le Nazaréen, lorsqu'il a complété l'expulsion, la purification des particularités anti-hommes de l'ego de Jésus, il a vécu d'une façon christique, il est donc devenu le Jésus-Christ en question. Il a rencontré son futur antéchrist contre le Christ qui, à un moment donné, deviendrait une espèce de densification personnalisée de ce que pourrait être Lucifer ou les fils de Lucifer. Alors, quand on parle de l'antichrist contre le Christ d'une façon personnalisée, il y aura un jour un être humain, et ça n'a pas été Adolf Hitler. Adolf Hitler était une tapette comparée à ce que sera l'antichrist contre le Christ. Alors, il y aura donc l'apparition personnalisée et personnifiée de ces forces. Maintenant, le Nazaréen va le rencontrer. Le Nazaréen va s'exclure du monde de la vie et il regagnera les mondes michaéliens et il sortira totalement du point de vue personnalisé des contacts avec le monde refroidi qui est le monde planétaire. Maintenant, pour laisser une contrepartie qui pourra résister contre les agressions sataniennes, parce que pas satanique, la nuance, c'est que satanique, c'est péjorativement laid. Sataniennes, c'est une mécanique qui est simplement un état d'être. Alors donc, pour contrebalancer la mécanicité sataniennes, le Nazaréen va initier un être humain qui a une génétique relativement puissante, un être humain qui est un peu son frère par le sang, de toute façon, et qui sera Lazare. Et lorsque Lazare va gagner le monde de la mort pour expérimenter le premier contact fusionné avec une énergie supramentale qui provient d'un monde qui n'est pas du monde de la mort, donc qui n'est pas du monde du ciel, mais un monde qui provient des forces des plans supramentales, qui sont appelées Christiques et Christ dans l'Antiquité, Lazare, lorsque Lazare se réincarne dans son propre corps, donc lorsque Lazare est ramené à la vie par le Nazaréen, il y a premièrement de l'essence de Jean le Baptiste qui est réincarné avec, et par la suite, Lazare va laisser le corps physique et laisser Jean le Baptiste dans un autre corps sur une île, et Jean le Baptiste, qui va s'appeler maintenant Jean de Patmos, va écrire l'Apocalypse, donc il y a déjà l'essence de ce que Lazare connaît, de ce qu'il devra faire, parce que Jean de Patmos, ayant cohabité dans le même corps, dans la même conscience que Lazare, va connaître un peu les plans de Lazare dans des temps à venir, et il n'aura pas la puissance émotive de résister la tentation de communiquer dans la matière, donc d'écrire, ce qu'il aura perçu par le mariage de conscience, et il écrira donc les Apocalypses, Apocalypse de Saint Jean. Lazare va abandonner son corps et va revenir à travers différents enfants qui auront été laissés pour débiles bien souvent, des enfants qui seront venus au monde par consanguinité royale, et lentement Lazare va remonter une lignée génétique pour arriver à construire un corps qui sera le plus brillant des corps qu'il aura réhabité par la suite, ce sera le corps du comte de Saint-Germain. On reverra Lazare dans le corps de Thomas Paine, on reverra Lazare dans le corps de d'autres personnages, et finalement Lazare est présentement ici, c'est-à-dire ici, il est sur le monde planétaire, en Amérique. Pour contrebalancer donc les forces sataniennes, il y aura un legs christique total laissé entre les mains d'un bonhomme, Lazare, et il y aura le legs total aussi d'un jeu, d'une image. L'aigle ou un legs légué. Alors, il y aura un legs total laissé aussi en tant qu'image entre les mains de Pierre, donc qui, lui, va engendrer une église qui va se spécialiser dans l'adoration des images contre lesquelles l'énergie christique un jour devra s'attaquer et sur lesquelles elle devra envoyer son énergie de façon à détruire totalement les images de l'âtre qui auront été nourries et entretenues par différentes églises, en l'occurrence les églises chrétiennes, catholiques, romaines, juives et protestantes et tout cela. Donc, à un moment donné, et les personnes qui sont parties de ces églises ne sont pas anti-Christ. Ils sont anti dans le sens antérieur, ils ne sont pas contre le Christ. Par contre, à un moment donné, dans la sphère de conscience de ces théologies, une immense ballon, une immense bulle va éclater, libérant l'énergie contenue dans la forme, mais détruisant la forme par cette libération. Alors là, l'être humain qui priait et qui prie encore d'une façon idolâtre, inconsciente, des formes astrales vont à un moment donné pouvoir s'abreuver à une énergie beaucoup plus puissante que le peu d'énergie laissée par la stimulation émotive de la forme astrale priée par celui qui prie. Autrement dit, il y a eu Pierre, n'est-ce pas, qui a renié le Christ, donc le Nazaréen trois fois, celui qui n'avait pas la confiance dans l'énergie réelle, mais qui avait plus la confiance dans la forme. Il y a eu les apôtres qui ont aidé à structurer cette Église et qui, par la suite, ont continué à développer l'idolâtrie, c'est-à-dire les statues, la croix du Christ qui est une statue, les statues dans les églises, les statues de Lucifer, les habillements sacerdotaux, etc., etc. En plus de développer aussi des images extrêmement archétypées, dans le sens, le petit Jésus va être triste, il va souffrir, tu ne manges pas toute ta soupe. Bon, alors, à développer des images dans le genre, et encore aujourd'hui, l'humain qui dit, oui, je sens Jésus qui me suit partout, bien, Jésus est déjà, Jésus ne te suit pas, premièrement, Jésus est dans un corps physique présentement réincarné, je ne parle pas du Nazaréen, et ça ne te suit pas d'une façon personnifiée. Quand tu respires, c'est ça que tu respires. Puis quand tu vas aux toilettes, c'est ça que tu éjectes. Mais ça ne te suit pas comme ça, puis à un moment donné, tu fais attention pour ne pas passer dessus. Bon, c'est pas un nombre. Le petit Jésus qui va te chicaner, c'est qu'il ne mange pas ta soupe, Daniel. C'est dans une certaine classe de la population qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier la théologie profondément. Ben, ceux qui ont étudié la théologie profondément sont habituellement inscrits à des cours, les cours étant extrêmement colorés par celui qui voulait l'enseigner profondément. Ça leur a donné en sorte que, de toute façon, on ne véhiculait que des images du Christ, des images nazaréennes. Comment pouvons-nous penser être capables de s'inscrire à un cours qui va nous enseigner l'intelligence? Il y a dans les cours la possibilité d'apprendre des choses, mais il n'y a pas dans les cours la possibilité de comprendre des choses. Maintenant, quand tu apprends la compréhension, tu dis « je comprends ». Mais si je te pose des questions et je te harcèle, tu ne pourras pas répondre longtemps. Tu ne comprends pas. Tu penses comprendre parce que tu as appris la compréhension d'un autre. Dans ces cours-là, on ne transmet pas l'intelligence, on transmet simplement. Bon, regarde, on parle de deux bêtes. Jean de Patmos, qui avait toujours une grande gueule d'ailleurs, lorsqu'on lui a coupé la tête, il s'est recyclé, là, il y avait une grande plume. Bon, mais il a quand même toujours trop communiqué de choses. Alors, il avait annoncé la vie du Nazaréen, il a continué après, et puis après, il a écrit l'Apocalypse. On parle de deux bêtes. On parle d'une bête qui va sortir de la terre et qui a sept têtes, dont l'une est carrément massacrée. Mais finalement, il y a un dragon qui vient du ciel, du monde de la mort, qui va être éjecté, qui va être rejeté du monde de la mort sur le plan planétaire, parce qu'il y aura une descente d'énergie qui, par le haut du monde de la mort, va purifier le monde de la mort. Et il y a, dans ces mondes refroidis, un endroit particulièrement intéressant pour rejeter les entités involutives de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'échapper, c'est la Terre. Alors nous autres, on va se recevoir tout ça à un moment donné sur la caboche, et on aura donc, l'humain faible aura la grande tentation, la facilité d'être manipulé par des forces d'involution, ce qui peut engendrer des guerres intéressantes pour les forces militaires, évidemment, pas pour les citoyens. Il y a donc cette bête qui va surgir et qui va finalement être adorée. Cette bête, c'est la tradition. Il y aura une deuxième bête qui, elle, aura un signe d'homme, le chiffre 666, entre autres. Mais la première bête, c'est une forme de contre-Christ, c'est la personnification des énergies sataniennes à l'échelle de notre planète. Le deuxième sera la personnification de ce que l'humain a mémorisé de ce qu'était Lucifer. On pourra donc dire que c'est le fils de Lucifer qui sera finalement l'être humain personnifié contre le Christ. Mais en réalité, ils jouent contre eux-mêmes. La tradition, c'est la sphère qui devra éclater. La tradition, c'est la mortification de l'homme. Je sais que la tradition a servi à l'humain, patati patata, bon, ça me rabote, ça c'est vrai. Ça a été essentiel. Tant que l'humain n'a pas de conscience, tant que l'humain ne sait pas où sont les précipices, tant que l'humain ne sait pas reconnaître une voie d'un trou, c'est une couture. Mais à un moment donné, quand l'humain arrive dans un continuum d'évolution, où il y a maintenant un paquet de chemins, puis encore la maudite couture qui va encore tout droit, elle sait qu'à un moment donné, c'est un précipice que là, la couture n'a pas changé, parce que la couture, au nom de la tradition, au nom du fait qu'elle nous a guidés depuis 40 000 ans, elle est bonne. Oui, mais à un moment donné, ton automobile, on doit changer. Hein, le corps physique se change bien avant 40 000 ans. La tradition persiste. Et la tradition, c'est actuellement, et ça va devenir de plus en plus dans l'être conscient, je ne parle pas des peuples qui n'ont pas encore la conscience contre-traditionnelle, ces peuples-là vont de toute façon s'annihiler eux-mêmes, ils aiment faire la guerre, ils aiment polluer, détruire, et à un moment donné, ils vont simplement éliminer leur corps physique, gagner le monde de la mort, revenir réincarner, pluralitairement fusionner, comme j'expliquais souvent ici, il y a des questions, on peut les poser à la période de questions, et de toute façon, ça va engendrer des peuples où on aura, dans quelques milliers d'années d'ici, approximativement 144 853 êtres humains, corps physiques humains, qui contiendront toutes les humanités depuis le passé jusqu'à maintenant. Alors, il y a cette tradition qui est absolument hantée, l'intelligence. Dans la tradition, on te dit comment tu dois penser. On te dit ce qui est bon et mauvais. On te dit ce que c'est que de l'intelligence. On te dit comment prier. On te dit tout dans la tradition. Je ne parle pas juste de la tradition catholique romaine ou judéo-chrétienne. Je parle de la tradition, quelle que soit la tradition. Tout ce qui amène à croire. Tout ce qui amène l'être humain à ne pas comprendre, à ne pas vibrer, à ne pas vivre. Quand je pose une question à un être humain, pas. Pourquoi c'est pas bien? Ah, ben dans la Bible, on dit, voilà un animal. Ce n'est pas un être humain intelligent. Ce n'est pas parce qu'il a peur. Ce n'est pas parce qu'il voit que c'est inécologique. Ce n'est pas parce qu'il veut économiser sa salive. C'est parce que dans un livre, que le livre, il est authentique, c'est écrit dedans. Ça, c'est le problème de ce genre de livre. Le livre, eh bien, ça commence en disant, ce livre est la parole de Dieu. Et on se fie au livre. Alors, si je dis, je suis Dieu, allez-vous vous fier à moi? Mais on préfère, on ne suivra pas un homme, on va se fier du papier. Oui, mais c'est la parole de Dieu. Qui peut te le garantir? Mais c'est écrit dedans. Ah bon? Alors, achetez maintenant n'importe quel céréale, et si c'est écrit dessus que c'est bon, c'est bon. Bon, c'est pas compliqué. La ville de Montréal a dit que Fiorello, il n'y a pas de problème. Et les forces d'évolution ont dit, non, c'est dangereux, ça peut, bon, on peut s'amuser comme on veut. Dans un livre de papier, je l'ai dit souvent, la Bible, comme tous les autres livres sacrés, ce sont des livres que tu dois acheter et ne jamais ouvrir. Ce sont des livres que tu as dans ta bibliothèque, qui paraissent bien, si tu as un hôtel, tu en mets un dans chaque tiroir, mais tu les attaches parce que les chrétiens les volent souvent. Et puis, parce qu'ils n'ont pas lu tout le livre, ils ne savent pas que le vol n'est pas permis. Ben, il y a toujours des vols corrects, voler une Bible, c'est correct, c'est pour te purifier, pour attendre. Bon. Il y a des traditions qui sont extrêmement péniblement dangereuses, et ce genre de livre, si tu l'ouvres, il est là pour confirmer ce que tu sais. Mais ce n'est pas un livre d'instruction. Il n'y a pas de livres sacrés qui sont des livres d'instruction. Ce sont des livres de confirmation. Tu ne sais rien, ouvre-le et que c'est plat. Si à un moment donné, tu découvres que tu vis d'une façon inharmonieuse, le fait que tu as volé ou tu t'engueules ou tu fais des mauvais coups, puis finalement on t'en fait. Et puis là, tu commences à conscientiser l'idée que peut-être on vivrait mieux si on arrêterait de s'engueuler, de se voler, ou etc. Et subitement, tu ouvres la Bible, tu tombes dans n'importe quel passage qui te dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Ah, bon, ça a de l'allure, ça! C'est parce que tu le sais, c'est pas à cause de la Bible. Mais là, maintenant que tu décrives, ça a de l'allure, hey, mais c'est un bon livre. Alors, tu te rejettes aux poubelles et tu prends le livre à ta place. Le livre devient ta conscience. Tu cesses d'évoluer. Maintenant, tu vas commencer à apprendre des mots. Des mots qui, additionnés ensemble, engendrent des phrases, qui, additionnés ensemble, engendrent des paraboles, des concepts. Et là, maintenant, tu ne les vis plus. Tu n'es pas en train de vibrer pour les découvrir. Tu les as appris. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dis à quelqu'un, « Dieu t'aime quand même! » Et tu l'as eu. « Pourra, Dieu l'aime quand même! » Et puis, maintenant, tu commences à prêcher. Tu commences à dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et, oh, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Un jour, ils paieront. Ça, même bout de ta affaire, c'est un vrai masochiste, c'est un Adolf Hitler qui s'ignore. Un jour, Adolf Hitler va les tuer. Ou maintenant, un jour, Dieu va leur faire payer. En même temps, tu vas te rendre compte, tu vas dire, mot, t'as dit qu'ils sont innocents. Innocents dans deux termes. Imbéciles, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis innocents, bien, vu qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne peuvent pas être coupables. Puis que tu es là à perdre ton énergie, ton temps à les critiquer, parce qu'un jour, tu as ouvert un livre, puis tu n'auras jamais dû déballer, qui a pris la place de ta conscience. C'est pas tout le monde qui a la même réaction en ouvrant le livre et en lisant ces passages-là. C'est pas tout le monde qui a la même réaction. La réaction que tu viens de décrire, là. Non, ceux qui n'ont pas la réaction que je viens de décrire, c'est ceux qui la referment, qui la trouvent plate. Sinon, à peu près 100% des autres ont la même réaction. Oh, à des nuances près. À des nuances près. Ça ne change rien pareil que 99,999% des humains sur cette planète qui ont des livres sacrés. Je ne parle pas seulement de la Bible, je parle de tous les livres sacrés. Des livres qui sont sacrés parce que ça crée quelque chose quand tu les ouvres. Ces livres-là qui sont sacrés, lorsque l'être humain les ouvre, il perd sa conscience, il n'y a rien à faire. Et on ne devrait pas ouvrir ces livres. Quand on parle d'antéchrist, d'antichrist, on parle d'anti-idolâtrie. Et ce n'est pas parce qu'adorer une forme, c'est un problème. Il y en a qui adorent le corps de leur femme, il y en a qui adorent le corps de leur mari. L'idolâtrie, c'est la même chose. Ce n'est pas cela. Aimer la forme, ça ne dérange rien. Le problème, c'est de se fier à la forme pour établir notre conscience. Là, c'est autre chose. C'est comme de dire, oui, mais as-tu vu la belle fleur, mais il y a un Dieu qui a créé ça, certain. As-tu vu le crapaud galeux là-bas, là? Ben, il y a un Dieu aussi qui l'a créé, de bord. Mais l'humain se prend, il regarde la forme, et à partir de la forme, émotivement, il décide que, oh oui, mais ça, c'est prendre sa conscience, la détruire totalement, et la remplacer par des formes. La tradition, c'est quoi? C'est une cristallisation hyper solide de forme, et parce qu'au nom du fait que, il y a 2000 ans, on était perdu comme on l'est aujourd'hui, et peut-être que si on est perdu pendant 2000 ans, maintenant, on est plus perdu. Est-ce qu'on l'est plus aujourd'hui qu'on l'était à ce moment-là? Plus perdu? Non, pareil. pareil. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. La traduction... La... Sauf que l'endroit où on est perdu maintenant, on le connaît tellement bien qu'on est sûr qu'on est plus perdu. C'est ça, la on ne peut pas sortir de la place, par exemple. La tradition dont tu parlais tantôt, ça serait, on ne pourrait pas faire le parallèle avec le peuple juif qui s'attendait lorsque le Nazaréen est arrivé. Ben, le roi des Juifs s'attendait à un roi des Juifs. Aujourd'hui, on s'attend à quoi? On s'attend à Agamemnon, on s'attend à... Avec la tradition dont tu viens de mentionner. On s'attend à un monarque aussi, au niveau des traditions qui sont plus ésotériques, surtout à partir de Michel de Notre-Dame, Nostradamus. Alors, on s'attend à un grand monarque, on s'attend un peu à la même chose, on s'attend effectivement à un sauveur qui va arriver de la même façon que les Juifs attendaient le Nazaréen, avec des troupes, des armées, des dragons de feu qui vont venir faire ceci ou cela. Et avant, on s'attend aussi à ce que... Je le disais hier, justement, en onde. L'être humain, bon, moi, si je parle, par exemple, de l'Antéchrist, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais crime, c'est vraiment négatif ce qu'il dit. Si on croit en la Bible et qu'on croit en Dieu, on croit donc en l'Apocalypse. Donc, de toute façon, ça va arriver, c'est prévu. Alors, ça vaut même plus la peine de lutter contre le mal. De toute manière, lutter contre le mal tant que vous voudrez, Dieu a décidé qu'il y en aurait du mal. En plus, dans cet Apocalypse-là, on dit qu'on va ramasser Satan et puis on va le mettre dans un trou, on va mettre un couvercle de métal par-dessus, puis on va mettre des sauts. On va l'enfermer pendant 1000 ans. Sacré bon Dieu! Puis l'humain va vivre pendant 1000 ans de paix. Puis après 1000 ans, on va libérer le connard. Elle retourne sa planète et continue à finir de détruire. Il faudrait qu'on ait un anti-Dieu aussi, peut-être. Il y a, à moins qu'il y ait des raisons extrêmement intelligentes, mais quand on veut aimer Dieu, du point de vue motif humain, il faut qu'on élimine une grande partie de tout ce qu'il a dit. La tradition... C'est une cristallisation. Toutes les religions organisées font partie de ce qui sera détruit pour permettre à la conscience christique de venir investir la conscience de l'homme. Maintenant, nécessairement, quand on parlait tout à l'heure de contre-Christ, toutes les théologies parlent de contre-Christ. Même le Christ lui-même ferait partie des forces anti-contre-Christ, mais contre l'image, contre l'idole, contre les traditions. Quand le Nazaréen est venu, il a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu détruire la loi, je suis venu la parfaire. Mais entre toi et moi, parfaire une loi, détruire une loi, c'est la même chose. Le Nazaréen ne faisait pas partie d'aucune religion lorsqu'il a atteint l'état christique. Oui, oui, il était juif. Mais il ne pratiquait pas la religion juive. Seulement devant les gens, pour essayer de gagner quelques années. Ça revient à dire ce que je viens de te dire, il ne pratiquait pas. Pourquoi un dieu devrait-il pratiquer une technique pour se relier à Dieu? Donc, nécessairement, il n'avait rien été ni croyant, il n'avait pas la foi. Et Dieu n'a pas foi en lui. Il n'était pas pratiquant, il n'était pas croyant, il n'avait pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il savait. Pourquoi? Parce qu'il était. Il jouait le jeu, parce que les autres à côté, c'est relou. Les autres qui ont atteint l'état christique, est-ce qu'ils pratiquaient une religion, sincèrement? Non plus. Tous des athées. Ne croyant pas dans l'image de Dieu. L'image que les religions ont fabriquée de Dieu. Quelle que soit l'image de Dieu. Les athées, initiés. Il y a des athées qui croient, qui ne croient pas. C'est pas pareil. Je parle des athées initiés. Ceux qui n'avaient aucune attraction, donc aucune place, n'investissaient aucune énergie, donc aucune croyance, dans des images. Dans des images de Dieu, dans des images de divinité, dans des images d'énergie, dans des images de supra-univers, dans aucune image. Eux ne croyaient pas dans l'image de Dieu. Enfin, alors, ils ne pouvaient pas. Donc, on lui demandait, oui, mais ton Dieu, il est comment? Comment? Je ne peux pas dire qu'il est fin, parce que nécessairement, j'engendre l'idée que si mon Dieu il est fin, il y a toute une grande partie qui n'est pas fin. Il faut le comparer. Et etc., etc. Non, il n'y a aucune image de Dieu adoré. Même celui qui s'adore le nombril disant que Dieu est potentiellement chez lui. Non. Au mieux, il va voir quand il s'encrasse. Il ne va pas le laver tout souvent. Mais... C'est bon, il est changé. Si on regardait, Daniel, le titre de la conférence, c'est « Les mystères de l'Antéchrist ». Si tu dévoilais les mystères de l'Antéchrist pour nous permettre de mieux voir l'état des choses, des possibilités. Bon, on va mieux voir la tête des choses. Mais de toute façon, j'ai déjà des... En tout cas, dévoile pour en regarder. Le premier mystère réel, c'est que l'Antéchrist fait partie des contingences christiques qui vient sur le plan planétaire pour s'attaquer à toute la forme qu'on a établie déjà de ce que c'est que le Christ. Donc, l'Antéchrist est déjà une énergie hautement christique qui va venir s'attaquer à toutes les structures organisées de théologie planétaire ainsi qu'à toutes, je parle même des religions personnelles et individuelles, ainsi qu'à toutes les formes d'idolâtrie, quelles qu'elles soient dans la conscience de l'homme. C'est vraiment moins grave d'adorer un verre que d'adorer l'image d'un concept d'intelligence, d'un concept de perfection ou autre chose. Parce que le verre, à un moment donné, on n'a qu'à prendre une canne puis le casser, puis le problème est réglé. Avant d'aller taper en haut, il faudrait qu'on fasse des mots de guerre. Alors ça, c'est une des premières choses. L'anté contre le Christ fait partie de l'intelligence christique, effusion michaélienne, qui de toute façon va venir parfaire l'image, parfaire la conscience de l'homme contre l'image qu'il a déjà du Christ. Première chose. Deuxième chose, le phénomène antéchrist du point de vue luciférien va exister d'une façon personnifiée et lui va s'attacher à préserver la tradition. Préservant la tradition, il parlera au nom de la tradition. Il ne parlera pas en son nom. Ne parlons pas en son nom, on ne le prendra pas pour un faux prophète. Et on le suivra. Tandis que l'antéchrist contre, mais d'une façon cosmiquement christique, parle en son nom. Et lui, on ne voudra pas le suivre. Troisièmement, un autre des phénomènes intéressants au niveau de l'antéchrist, il faudra que tu reviennes d'une façon plus piquante. Il y a une structure antéchristique qui est présentement déjà élaborée au niveau de la science et qui va permettre aussi, encore une fois, à l'être humain de perdre totalement les illusions qu'il a en fonction de sa propre puissance. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène antéchristique qui n'est pas encore tout à fait la bête, la deuxième bête, qui sera le fils de Lucifer, et ça, on pourra en reparler, et qui va permettre à la science de faire de plus en plus des développements super cons pour permettre à l'être humain de perdre totalement le peu de confiance qu'il a dans sa propre nature. Comme le clonage? Il y aura, oui, comme le clonage, comme le système nucléaire, comme le système, comme certaines maladies aussi, comme certains produits anti-rejet de cancer. Tout ce qui peut embarquer l'homme facilement. C'est-à-dire que la science va se casser la gueule. Alors, tous les humains qui sont présentement apparemment athées, non-croyants, et qui vont se rendre compte que l'homme, finalement, se détruit lui-même, alors que c'est une manipulation d'une force contre Christ, et là, lorsque l'homme, la conscience de l'homme va découvrir que l'homme se détruit lui-même, il n'aura plus confiance en la science, il n'aura plus confiance au cartésianisme, il n'aura plus confiance au gouvernement, il n'aura plus confiance en lui. Il ne pourra que se retourner vers deux choses. Celui qui parle en son nom et qui se dit Christ, et celui qui parle pas en son nom et qui se dit au nom de la tradition. Et dans la tradition, on dit faites attention à ceux qui parlent en leur nom. Et ceux qui parlent en leur nom seront les vrais. C'est ça le problème. Et ceux qui parlent au nom de la tradition, ce sont les putains. Et c'est ceux-là qui vont être suivis. Lorsque l'humanité ne sera plus capable de croire en elle, parce qu'elle s'identifie dans le contrôle mineur qu'elle a de la matière, donc dans la science, elle se retournera vers les traditions. Se retournant vers les traditions, dans les traditions, on dit premièrement, je suis la tradition et je suis parfaite. Bon, vu que tu te fies à la tradition et qu'elle dit qu'imparfaite, tu te fies qu'imparfaite. Maintenant, ne vous fiez pas à ceux qui parlent en leur nom. Ah, bon, mais on ne suivra pas à ceux qui parlent en leur nom. Ne vous fiez pas à ceux qui vont prétendre être moi, ceux qui vont prétendre être christiques, être liés à de l'énergie supramentale. Mais quel danger y a-t-il de rencontrer une personne qui ne parle pas de la tradition, qui ne parle pas au nom de la tradition, qui dit parler en son nom, qui dit être lié à de l'intelligence supramentale, christique dans l'ancienne étymologie? Mais si, il est faux. Sans la tradition de Dieu, si il est faux, on va le savoir tout de suite. Il ne pourra pas rien amener de neuf, ça va être une andouille. Si par contre, il paraît puissant et s'il n'y a pas la tradition, il amène du neuf. Comme le Nazaréen aussi a amené du neuf. Le Nazaréen s'est servi de trame du passé pour dire à la gang, « Ben oui, ben regardez-là, c'est prévu, là, ce que j'ai dit aujourd'hui, là, bon, peut-être me coucher. » Tout. Mais il ne disait pas, « C'est écrit dans telle affaire que vous devez faire ceci. » Non. Il disait simplement, oh, « c'est écrit ça, mais on fait mieux maintenant. » Je t'écoutais ce que tu viens de décrire tantôt, là. C'est ce qui se passe présentement, Daniel. Tu as beaucoup de gens, des preachers, qui disent, « Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ça. Voilà. J'ai eu le message de Dieu de vous dire ça. » Ils ne parlent qu'au nom de la tradition quand même. C'est ça. Ils ont leur Bible avec eux. Ou leur Coran, ou leur Talmud, ou leur etc. C'est ça. Tu as l'autre de l'autre côté qui dit qu'il parle en son nom. Mais Que ce soit n'importe quoi ou n'importe qui dise n'importe quoi, la meilleure défense ne serait pas de ne pas croire ni un ni l'autre. Oui, sauf que la problématique, c'est que l'humain, présentement, est encore habité d'une structure émotive qui a besoin de croire quelque chose. Étant donné que l'être humain a une parole extrêmement fausse, une parole qui le démolit totalement, une parole destructrice, il n'arrive pas à se croire lui-même. Alors, il demande l'opinion d'autrui, et une opinion qui date de plusieurs milliers d'années semble faire plus d'effet parce qu'elle est collectivement plus supportée qu'une opinion qui sort de la bouche d'un gars que tu connais peut-être un peu. Il n'y a rien de plus frustrant que de rencontrer Dieu comme ton voisin. Par contre, ce qui va arriver, c'est que l'être humain, dans son orgueil, va prétendre, va dire que Dieu ne posera pas pareil gars qui porte des lunettes. Dieu ne passera pas pareil gars qui ne porte pas de lunettes. L'humain a tout stéréotypé l'idée même du retour christique. Alors, possiblement qu'un être humain qui va être beau, qui va être extraordinaire, qui va avoir de très beaux yeux, qui va être génie à l'école, qui va être serviable, qui va être altruiste, qui va même attraper le cancer ou le sida en naissant parce que ses parents l'auront eu, qui va avoir la leucémie, qui va être jeune, cute, qui va lutter contre, qui va avoir une volonté du tonnerre, qui va épater toute la galerie d'infirmières et de médecins, et qui finalement va guérir de la leucémie à travers un travail écœurant, il va perdre ses cheveux, perdre ses cils, perdre ses blondes, et puis à un moment donné, il va arriver à s'en sortir un peu plus, il va avoir un cancer du poumon, il va arriver à le régler, il va marcher en chaise roulante, rouler en chaise roulante pendant un bout de temps, et puis à un moment donné, lentement, il va finir par gagner la loterie, tout donner à des œuvres de charité, et ce sera le Christ d'Antéchrist. Mais ça, l'humain va penser que lui, c'est le Dieu. Parce que celui qui arrive en parlant un peu plus violemment, celui qui ne se cache pas de dire que telle affaire est dangereuse, et celui qui ne dit pas « suivez-moi », celui qui dit « suivez-vous », mais lâchez vos maudits livres. De temps en temps, tu t'en sers, bon, si tu as besoin de quelque chose pour monter plus haut pour ramasser ta tasse de café. Bon. Oui. Dans tous les livres dont je pense que tu fais référence, il est mentionné de faire attention quand il va y avoir tous ces faux prophètes. Oui. Mais le faux prophète est celui qui prophétise, c'est pas celui qui amène de l'intelligence. C'est quoi la nuance entre un faux prophète et un vrai prophète? Le faux prophète, il prévoit l'avenir. Le vrai prévoit l'avenir. Ce qui est le vrai, qui est le faux, on ne sait pas. Quand on aura vu l'avenir, on dira, tiens, lui avait raison, c'est le vrai. Tiens, lui avait tort, c'est le faux. Puis c'est question, c'est un homme de 21 ans. Bon, il prévoit l'avenir. Celui qui est faux prophète, qui dit simplement, il y aura un apocalypse majeur. Le monde a tellement peur qu'ils ne font pas. Le gars, on le prend, on le prend. C'est un faux prophète. Il a tellement fait peur à l'humanité qu'il a réussi à empêcher l'humanité de se détruire. Donc, c'est un prophète génial, c'est un être humain merveilleux qui a préféré expliquer à lui-même une chose d'une façon tellement puissante que l'humain ne la fasse pas. Là, on va maudire le bonhomme. C'est réparti sur tellement d'années, Daniel, qu'il ne sera pas maudit ni apprécié. À un moment donné, il y en a qui vont prophétiser un peu plus rapidement. Ouais. Ouais, ça va être des vrais prophètes. Et un faux prophète, c'est quoi, du point de vue théologique? Celui qui ne parle pas comme la Bible dit qu'il faut qu'on parle. C'est ça, un faux prophète. Un faux prophète, c'est pas celui qui va faire des prophéties qui vont être fausses. C'est pas ça. La Bible, elle s'est trompée énormément de fois. C'est pas grave. Les papes ont dit que les femmes n'avaient pas d'âme pendant un grand bout de temps. Oh, mais ça, c'est... Vous n'avez pas compris ce qu'ils disaient. C'est coloré. C'est pas ça qu'ils voulaient dire. Bon, c'est sûr, on en met des choses. C'est pas les faux prophètes. Ça, il s'est dit beaucoup de choses. Ah, il s'est dit énormément de choses. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, le faux prophète, c'est celui qui va être perçu par l'humain comme étant quelqu'un qui oblige l'humain à réfléchir. Comme étant celui qui oblige l'humain à abandonner la tradition. Toutes les autres ne sont pas dangereux du point de vue de la théologie. Penses-tu que les plus de choses aux États-Unis, l'Église catholique se montre contre eux autres? Ils ramassent toutes les brebis égarées. Bon. Mieux vaut que les brebis soient égarées des mains d'un gars qui a la Bible en dessous du bras, mais que ça fait partie de notre Église, qu'égarées seuls chez eux dans leur propre conscience, ou qui vont dire à un moment donné, tiens, le pape a dit telle chose, moi je suis con. Voyons donc. C'est bien mieux qu'ils soient pour le pape ou pour ce que le pape va dire, quel que soit la secte ou le prêcheur qui va le chapeauter. Autant qu'il est à un niveau qu'il faut qu'il croie, autrement qu'il est perdu. Moi, je parle de la théologie. Elle aime mieux encore que les brebis soient dans des enclos, même si l'enclos appartient à un autre propriétaire, que d'être libre dans le bois. Et là, on parle du loup. Oui, oui. C'est pas que les loups soient engagés, nourris par le propriétaire des brebis. Oui. Mais c'est vrai. Absolument. J'essaie juste de voir le lien christique. C'est sûr que Il n'y a pas de lien christique avec les brebis qui sont dans l'enclos, mais ils sont mieux d'être dans cet enclos-là que dans d'autres enclos. Non, c'est faux. Parce que ce que tu m'as... Il n'y a pas de parce que, c'est... Il y a énormément de personnes qui, disons, à force d'étudier certains livres, ont fini par comprendre certaines choses. Aussi leur taux vibratoire, ça l'a... C'est pas en lisant les livres qu'ils ont fini par hausser leur taux vibratoire. C'est que le temps, en fait, qu'ils ont haussé, qui est lu, qui est pas lu, ils auraient haussé pareil. Ils pensent que c'est à cause du livre. C'est un piège encore de la forme. Ouais, pendant 20 ans, je l'ai lu. Je me suis fait évoluer. Pas pendant 20 ans, pendant 3 heures. Pendant 3 heures. Même chose. Il s'est produit certaines choses et les gens ont compris d'autres choses. Le livre a juste servi à les planter assis quelque part, puis à les laisser dans un continuum de temps, à rien faire d'autre qu'à lire le livre. Il y aurait pu lire Astérix, il y aurait eu la même révélation. Sauf que pour que l'ego de l'homme se supporte mieux, l'ego de l'homme ne croira pas à ce qui va être révélé en lisant Astérix. Alors, il va prendre un livre comme La vie des maîtres, comme La cosmogonie d'Urantia, comme La Bhagavad Gita, comme ces livres-là. Puis là, il va accepter plus facilement la révélation qui va être obtenue en face en lisant un livre comme ça, même s'il ne le comprend pas, ou plus ou moins, qu'en lisant Astérix. Ou en regardant le bois de campagne. Il y aura la même évolution. Et si tu lis Playboy, tu n'auras pas tendance à avoir le même taux vibratoire que si tu lis la cosmogonie de Rancia. Tu ne peux pas me faire croire ça. Ah oui. Pas dans la même direction. Exactement. La seule chose qu'il y a, c'est que le gars qui lit Playboy et qui n'a pas la même énergie dans la même direction, c'est parce que même s'il aurait mis la Bible, il ne l'aurait pas eu non plus. Parce que c'est pas son temps. Mais quand ça devient son temps, là, il va troquer Playboy pour la Bible de façon à mieux supporter son handicap d'évolution. La personne qui est tout seul là, puis qui va à un moment donné avoir une révélation, quelle que soit la révélation, n'y croira pas. Elle va y croire, bon, elle s'assoit en position de méditation, puis là, elle se met à respirer. À un moment donné, chenou, flac, flac, là, elle voit un paquet d'affaires. Mais c'est lui qui est caché dans le bois en train de pisser, qui a la même révélation. Lui, il ne croira pas à sa révélation. Mais non, c'est pas en pissant que tu jouais en... Mais l'autre, en pensant qu'en adoptant une forme archétypale qui provient du passé, les jambes croisées, puis mais en méditation, ça fait plus de sens dans la révélation. Mais celui qui est dans le bois, c'est parce qu'il n'est pas correct, parce que s'il le ressent comme il faut, il serait supposé qu'il y ait quoi que ce soit dans les mains, il serait censé. C'est, oui, mais il le percevoir, parce que c'est ce qu'il va ressentir, Daniel, si c'est... L'homme ne se fait pas assez confiance. Absolument. Ah, c'est pourquoi on lui met une Bible, un Talmud, on lui met un livre sacré ou une flûte enchantée, mais on lui met quelque chose dans les mains qui provient d'une tradition du passé. Regarde, moi je te dis ça, je te donne un médaillon que j'ai trouvé dans les pyramides de Tikal au Guatemala, dans le Petén, où j'ai déjà été. Ce médaillon, il date de peut-être 870 ans. Et il a servi au Mexique, au grand Chacmol. Il a servi à un moment donné au Pérou pour d'autres grands rois. Et il a échoué, on ne sait trop comment, quelle secoupe volante l'a perdu, à un moment donné, ils ont mal fermé la porte. Bon, c'est tombé à Tikal. Et ce médaillon-là peut te guérir. Alors, tu le portes et puis tu vibres avec, ça va marcher, hein? Parce que le médaillon vient du passé, etc. Peut-être qu'en réalité, je l'ai pris chez le pharmacien à côté. Bon, peut-être que je l'ai trouvé aussi accroché après le coup d'un punk. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est tout le rituel que je vais faire pour te le prêter au nom de je ne sais pas qui. Et voilà. Mais je peux te donner la Bible. Le médaillon peut te faire évoluer autant que n'importe quelle saucisse ou carotte accrochée autour de ton cou. Sauf que l'humain va dire, oh, une carotte quand même, c'est bon. Non. Quand un enfant vient voir un adulte et qu'il lui dit une vérité en pleine face, l'adulte ne peut pas prendre la vérité. L'adulte ne résiste même pas, il ne dit pas, voyons donc, pour qui il se prend. Non, bien souvent l'adulte n'a connu, il ne s'est rien passé. Parce que, mais par contre, mais vêtis-le avec une soutane, par exemple, l'habit d'un prêtre, grandis-le un peu, mets-y un chapeau particulier sur la tête, puis appelle le pape, il va dire la même affaire. Oh, ça va être génial. Là, oui. Tu prends une phrase banale, tu écris ça dans la sélection des Reader Digest. Tu mets en dessous Abraham Lincoln. Les gens vont la retenir bien plus que Frédéric Joviette, qui a écrit une autre phrase, c'est brillant. L'archétype est là. Contre la tradition, l'Antéchrist va travailler contre. Contre le Christ. Mais contre l'image christique. Et on doit bien comprendre qu'il y a une chose différente. Tout ce qui se lève contre l'énergie christique, n'ayez pas peur. C'est perdu d'avance, son travail. On n'a pas à s'en faire. Mais celui qui se lève contre la tradition se lève contre le sommeil de la conscience de l'homme. La tradition n'est pas fausse. Elle est dangereuse. Ce n'est pas pareil. Si je vous dis, moi, que tuer son voisin, c'est stupide. C'est dans la tradition. La tradition n'est pas fausse. Mais ne le tuez pas parce que vous allez comprendre et vibrer que c'est stupide. Par contre, c'est écrit dans une tradition. Alors là, la tradition n'est plus une lettre morte pour l'humain. Ce n'est plus un stimulant catalytique, un peu comme on rencontre dans la loi sociale d'aujourd'hui, où finalement, on ne sait même pas pourquoi on le fait parce que c'est illégal. Illégal divinement ou illégal policièrement. Non, la tradition, elle n'est pas fausse. Elle est dangereuse parce qu'au lieu de laisser à l'homme la capacité de vivre l'énergie d'une tradition ou de l'intelligence cristallisée dans la tradition, eh bien, la tradition, elle vient vivre dans la conscience de l'homme au lieu de laisser être l'instantanéité de ce qu'il a créé. Ça l'amène à croire. Ça l'amène à croire. Mais oui, mais croire, ce n'est pas savoir. Je ne crois pas que je suis ici, je sais que je suis ici. Celui qui croit ne sait pas. Ah, il est convaincu, sûr que ce qu'il croit est vrai. Mais dans ce qu'il vient de dire, il se contredit déjà. Qu'il croit est vrai. Qu'il neige dehors, ah, je pense que oui. Donc, tu ne le sais pas. C'est pas compliqué, bien. Qu'il neige dehors, je crois que oui, c'est la même chose. Tu ne le sais pas. Mais si tu sais qu'il neige dehors, tu rentres, tu me plains sa tête. Tu ne diras pas, je pense qu'il neige. Ou je crois qu'il neige. Si tu le dis, les gens vont rire. Ils vont voir que c'est une farce. Mais c'est ça. Quand quelqu'un me dit, je crois en Dieu, je ris. Je pense qu'il fait une farce. C'est pareil. L'être humain, regardons ceci simplement. On a juste à éliminer des choses au niveau de la logistique. On va dire, oui, mais il faut bien qu'il y ait un créateur. Alors immédiatement, je m'imite et je dis, parfait, qui a créé le créateur? Si on dit, il a bien fallu qu'il y ait un créateur, on peut remonter loin en qui avec, il a bien fallu qu'il y ait un créateur. Mais on arrête en disant, non, mais Dieu a toujours été là. On est capable de supporter l'idée que quelque chose aurait toujours été là? Pourquoi c'est pas l'homme qui a toujours été là? Quelque chose se peut d'avoir toujours été là. C'est pas à cause que tu viens au monde. Hein? La vie, elle existe depuis des milliards d'années, ça fait terre. Bon, c'est pas à cause que tu viens au monde que tu arrives, que tu es quelque part avant, c'était dans la cellule de tes parents. C'était peut-être en projet, mais c'était dans la cellule de tes parents quand même. Puis tu as toujours été, etc. Puis finalement, le début, on peut le chercher loin. C'est évident, par n'importe quelle logistique, vibration, on n'a même pas besoin de mettre d'émotion là-dedans, c'est évident que l'être humain est sur. L'être humain est là, puis il y a une raison. L'être humain qui ne connaît pas la raison, pourquoi faut-il qu'il s'en invente une en attendant? Vous savez, quand vous marchez dans la forêt, puis vous voyez une source qui sort de sous terre, on voit l'eau qui coule. Mais on ne sait pas d'où elle vient, la source. Alors, si on commence à inventer d'où elle vient, eh bien, on engendre un processus d'ignorance. Et il n'y a pas de limite à ce processus d'ignorance. Et quand on parle de la tradition, c'est qu'on prend les idées des premiers qui ne comprenaient pas, qui ont inventé des solutions pour arriver à supporter leur sommeil, à bien dormir et à supporter leur mort. Et à travers les temps, les idées, on les a raffinées un petit peu, rajouté des costumes. Il y a d'autres mondes qui étaient soit juste des Melchizedek qui ont amené du neuf. Et puis lentement, on additionne. Prenons l'exemple de l'Ancien Testament. Est-il encore utile maintenant que le Nouveau Testament? À part pour parler, là. Mais est-ce que c'est encore utile du point de vue de l'enseignement? À un moment donné, le Dieu de bonheur, de puissance qui aime tant l'homme, a dit à un mec, il a pris Satan. Hein, parce que souvent, la théologie dit que Dieu n'a pas créé Satan. Alors, il a commandé à Satan d'attaquer le bonhomme. Il pouvait s'en prendre à tout. Ses enfants, sa femme, ses femmes, c'est bien, mais pas à sa vie. Juste pour vérifier le gars. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Alors, s'il n'a pas créé Satan, il contrôle bien maudit. Alors là, Satan se met à attaquer, puis il tue ses enfants. Puis il rentre dans l'eau, puis il massacre tout le monde au complet. Perd les brebis, perd les moutons, perd tout. Puis finalement, ben, le bonhomme, il croit encore à Dieu. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Oh, ça? Faut que tu leur lises, à un moment donné, c'est la page. Non, c'est pas ça. C'est parce que je pensais que tantôt, tu disais qu'il ne fallait pas lire ça. Je ne l'ai pas lu non plus. Je dis que c'est écrit dedans. Ah bon? C'est pareil. Bon. Alors, on parle donc d'un Dieu qui n'a pas créé Satan, qui le contrôle bien. La tradition. OK, la tradition numéro un, Daniel, ce serait ce qu'il va falloir faire le plus attention dans les années à venir. Pas faire attention. On ne fait pas attention à la tradition. Non. On la rejette. Deuxièmement, est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien oui. C'est essayer de se rejeter soi. OK. Troisièmement? 27e lien. Aller aux toilettes convenablement. Rejeter la tradition et cesser de se rejeter, ça veut dire être capable d'accepter un peu plus ce que l'on pense comme étant une chose, qu'il y a des possibilités d'être cela. Et ne jamais se dire, oui, mais moi qui suis, pour dire ça. Si à un moment donné, ceux qui croient en Dieu, Dieu prend comme voie d'expression votre cerveau, puis qu'il se ramasse avec un imbécile en bas qui dit, ouais, mais qui suis pour dire ça? Il va dire, hey, c'est moi qui parle! Il va se dire, crime, c'est Dieu qui parle! Mais qui suis vous qui viennent me chercher? Finalement, ça vaut même pas la peine que Dieu s'intéresse à toi. T'es bloqué. L'être humain a la faculté de conscience. L'être humain a la faculté de parole, dans la tête comme à l'extérieur. L'être humain a la faculté d'intelligence, il a la faculté de savoir. Pourquoi pensez-vous que depuis l'époque des cavernes où on travaillait avec des peaux, on en est rendu à être assis sur des chaises, à avoir la climatisation, l'été, à chauffer l'hiver? On va dire, oui, mais c'est pas génial. C'est quand même, placé comme on était, l'être humain n'est pas un imbécile, pas un médiocre. Placé dans le décor qu'on était dans le début, puis parvenir à avoir des navettes spatiales, puis il y en a une qui explose de temps en temps, mais pas plus, alors qu'à l'époque, on traînait encore notre viande à terre avant de la manger, puis qu'on pense encore qu'on est médiocre. Il y a de l'intelligence pour aider l'humain, donc on l'appelle comme on voudra, ça va de soi, mais la prier, ça fait des milliers d'années que l'humain la prière n'est pas vu plus vite. Parce que l'homme n'est pas prêt. Mais l'homme qui est cristallisé dans la tradition ne peut pas être prêt. Il est comme... Yeah.